Seigneur, comme mes ennemis sont nombreux, ils se lèvent tous contre moi sans répit. Ils disent de mon âme avec mépris, il n'y a plus de salut pour lui. Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. De ma voix, j'ai crié vers toi, et de ta montagne sainte, tu m'as répondu. Je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille car tu me soutiens. Je ne crains pas les armées innombrables qui campent autour de moi. Lève-toi, Seigneur. Sans retour, le salut vient de l'Éternel. Ta bénédiction repose sur ton peuple. Je me couche et je m'endors en paix. Je me le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de ta main.